Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. They won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique. En votre compagnie, François G. Couillard, un grand plaisir pour moi de vous accompagner. Et je suis en compagnie de Michael Michaud. Salut Michael. Salut François. Et aujourd'hui, grosse tempête à l'extérieur, on est quand même là au rendez-vous. Oui, fidèle au rendez-vous. On est vraiment tenace. Et aujourd'hui, on a toutes sortes de nouvelles. On va parler évidemment d'actualité. On va parler aussi du Geek Fest qui a eu lieu à Montréal en fin de semaine. On va avoir notre ami Gabriel Tremblay-Gaudette qui est allé faire un tour. Il va nous faire un petit compte-rendu. Et puis, de ton côté, Michael? Bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un classique, en fait, pour plusieurs amateurs de RPG sur ordinateur. Vampire the Masquerade Bloodlines, un jeu qui est quand même resté obscur pour plusieurs. Mm-hmm. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'il y en est. Oui, c'est une sorte de... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un jeu culte? Tu sais, il y a des jeux comme ça qui n'ont pas pogné, mais qui ont quand même eu un grand succès chez les critiques. Oui, c'est un jeu culte, justement, pour ceux qui ont joué. La plupart des gens l'ont adoré. Puis à l'époque où il est sorti en 2004, gros succès critique justement malgré en tout cas, je vous en parlais tantôt. Malgré l'échec commercial. Ouais. Donc Vampire Bloodlines, on en parle un peu plus tard. Sinon, ben aussi Puissance Maximale, c'est de la musique. Alors on vous invite à rester à l'écoute. On va écouter une pièce de Caféine. La pièce s'appelle Pékin Love. Vous êtes à Puissance Maximale. Jésus-Christ, ramenez-nous à la... this is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et voilà, voilà, de retour à Puissance Maximale. On est avec Michael pour parler de Vampire Bloodlines. Oh oui, jeu qui est sorti en 2004, en fait, jeu sur PC. Maintenant, qui est assez difficile à trouver de façon physique, vous pouvez le télécharger sur la plateforme Steam, sur PC, pour le modique somme de 19,99. Et je vous dis que ça vaut la peine pour les amateurs en premier lieu de RPG sur PC et aussi du monde de vampires. Évidemment, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire et dans l'univers de Vampire the Masquerade, qui est un jeu sur table dans l'ancien World of Darkness. Ancienne édition de Vampire, là. Oui, des éditeurs White Wolf, maintenant qui ont toute une nouvelle gamme de produits depuis déjà quelques années. World of Darkness, mais à l'époque, ça c'est l'original, là. C'est-à-dire qu'on retrouve les Nosferatu, les Vantru, les Brouilla, les Tremères, là j'essaie de tout me rappeler de toutes les clans, les Malkaviennes aussi. Mais vous avez effectivement cet univers-là dans lequel le joueur va être plongé pour des heures et des heures de plaisir, ce qui se passe sur la côte ouest américaine, en fait à Los Angeles, en Californie. Et on va avoir vraiment une histoire assez complexe avec beaucoup, beaucoup de personnages qui vont entourer justement notre personnage à nous, qu'on va créer dès le départ. Et là, on s'entend, on joue un vampire, là. Oh oui, en fait, le jeu commence avec ce qu'on appelle dans le jargon de Vampire the Masquerade, l'embrace, en fait, notre transformation en vampire, où notre maître va nous transformer en vampire. Et là, on se retrouve devant un tribunal de vampires. Finalement, toute la société vampirique de Los Angeles est réunie sous l'autorité d'un prince, parce qu'il faut... j'expliquerai pas tout non plus l'univers de Vampire the Masquerade. Il y a toute une société de vampires, il y a toute une hiérarchie, il y a même des institutions vampiriques, là. C'est en plein ça, puis là, notre personnage se retrouve justement devant ces institutions-là, et notre maître est exécuté sur place par le prince de la ville, qui est Sébastien Lacroix, en fait, qui est un ventrou avec un nom français, mais qui a zéro accent dans le jeu. Et on se retrouve finalement à être un nouveau devant, finalement, dans un nouveau monde, dans un nouvel univers, puis on doit s'arranger avec ça. Puis on n'a aucune... Ah non, pas du tout. On est vraiment gardé dans l'ombre par les NPC, puis par l'histoire, et c'est bien fait. Justement, c'est très bien fait. On peut se douter un peu de ce qui s'en vient, mais il y a quand même... L'intrigue est vraiment très, très intéressante. Un jeu, donc, qui est sorti en 2004, qui avait été développé par Troika Games, qui n'existe plus, qui a fermé ses portes en 2005. C'est Activision qui a publié le jeu. C'est un jeu qui est ce qu'on appelle un action RPG. Ça fait quand même plusieurs trucs que vous pouvez faire qui n'est pas d'action. En fait, c'est ce qui est impressionnant dans le jeu-là. Mm-hmm. C'est qu'on peut s'en tirer. Moi, mon premier personnage que j'ai fait à ce jeu-là, c'est un Ventru, justement. Un vampire qui est beaucoup plus axé sur les actions sociales, sur la séduction, la domination, l'intimidation. D'ailleurs, un de ses principaux pouvoirs de vampire, c'est de dominer les autres. Donc, c'est de dominer leur volonté. Donc, j'ai quand même passé, je vous dirais, le trois quarts du jeu sans être obligé de taper sur quelqu'un. Ça, c'est quand même exceptionnel dans un jeu, là. Ouais, mais c'est assez rare. C'est ça, même dans les RPG, dans les plus gros RPG, puis même sur Donjon Dragon, souvent sur table, quand on est maître, on dit toujours à nos joueurs, tu sais, trouve-toi une façon de pouvoir te défendre en bataille. Ben oui. Mais dans ce jeu-là, c'est quand même... Ça, on peut s'en sortir en faisant du social, justement. Donc, une grosse, grosse, grosse panoplie de quests divisées en différents chapitres, justement, parce qu'on va se déplacer dans différents quartiers de la ville. Et on va rencontrer une grosse, grosse, grosse... grosse gang de NPC, puis il va falloir choisir un camp aussi. Si je me rappelle bien, il y a 5 fins à ce jeu-là. C'est tout dépendant du camp que tu vas choisir pendant la partie. Si tu choisis d'être rangé du côté de la Camarilla, qui est l'organisation des vampires en place, si tu décides d'être rangé avec les anarches, donc les anarchistes, ceux qui refusent la Camarilla ou toute autre organisation voulant contrôler de façon hiérarchique les vampires, si tu peux en fait te mettre du côté du prince, parce qu'on voit assez facilement dès le début, là, je c'est pas de punch à personne, que le prince, il fait de, il est là pour ses propres intérêts et non pour la Camarilla, qui, dont il est supposé être le représentant. Mm-hmm. Puis finalement, si, en fait, vous pouvez aussi vous mettre du côté des Kindred of the East, donc des vampires qui viennent de l'Orient, qui se sont implantés. D'ailleurs, sur le, dans le jeu, sur table, c'était déjà une menace, donc on le représente aussi très bien dans le jeu. On peut se mettre avec eux. Et finalement, la dernière fin, ben, c'est si on décide d'être pour soi-même, si on veut pas être avec aucune organisation, puis on fait sa tête. C'est ça. Donc, on a quand même des fins. Il y a 5 fins différentes, mais si je me souviens bien, là, c'est tu peux changer à la toute fin du jeu. Là, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un seul chemin dans le jeu, même si c'est un jeu de rôle. Il est quand même assez linéaire. Les side quests, par exemple, vont pouvoir être évités, puis il y aura, à part certaines side quests où c'est vraiment intéressant, premièrement, à faire, puis deuxièmement, le résultat, en plus d'avoir des points d'expérience, ben vous allez avoir des items très, très, très intéressants pour votre personnage. Une caractéristique de ce jeu-là, justement, c'est qu'on ne reçoit pas d'expérience en, justement, en tuant des ennemis. On reçoit aucune expérience, c'est quand on fait des quests. Mm-hmm. Donc, plus on avance dans la quest, à chaque petit bout qu'on va faire qui va nous amener plus loin, on gagne des points d'expérience. Parce que pour les amateurs de Vampire the Masquerade ou de World of Darkness en général, quand on fait son personnage, c'est exactement ça, pas mal comme la feuille papier de vampire, donc c'est les ça. Gens qui connaissent l'univers vont s'y retrouver facilement, puis c'était aussi très très très facile d'y entrer pour un nouveau venu dans l'univers, puis c'est facile, puis il y a des explications partout. Ce jeu-là, justement, vous avez lancé, en fait c'est basé sur l'engin de Half-Life 2, parce qu'il est sorti en même temps qu'Half-Life 2, puis ce qui a causé un peu le problème de Bloodline, c'est que quand c'est sorti ce jeu-là, on avait, c'est une, je le dis tout de suite là, pour les gens, là, c'est un jeu bourré, mais bourré de bugs. Absolument. C'est le jeu le plus buggé que j'ai vu de ma vie. En fait, le problème principal, c'est que c'est extrêmement long à charger. Quand on change de secteur de la ville, là, c'est incroyable. C'est ça, c'est long, puis il peut avoir des bugs, justement, des fois en combat. Je me rappelle avoir fait un gangrel, puis j'avais ma discipline de protéant dans le tapis. Je pouvais me transformer en genre de bébé de chauve-souris bizarre. Puis à un moment donné, je me suis transformé, puis mon bonhomme avançait, mais ma forme chauve-souris comme restait en arrière de moi, puis là, je pouvais plus rien faire. Donc... mais ma forme se faisait attaquer, puis je me faisais faire des dégâts. Des bugs comme ça qui ont... fail. Des gros fails, ce qui a fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont décroché, mais l'essence du jeu est assez, assez intéressante. Ce qui fait la force de ce jeu-là, c'est vraiment le scénario. Le scénario, il est malade. Si on est des adeptes de vampires, des tripeux de cet univers-là, on pense quand même à Anne Rice, puis tous les romans, puis toute la littérature, puis les films qui sont sortis sur cet univers-là. Là, vraiment, vous allez vous plaire dans cet univers-là. Ah, puis je vous dirais aussi que l'atmosphère du jeu est assez intéressante. Il y a pas de... la musique est pas trop forte. C'est une musique qui est quand même prenante. L'image, le graphisme, on est vraiment dans une ambiance d'un monde. Tout est croche, tout est sale, tout est pas beau. On n'est pas dans un monde anglophone. Je me rappelle, il y a une quest principale. Une des quests principales, c'est de se rendre dans une maison hantée pour se débarrasser d'un fantôme qui est là. Sauf que moi, je me rappelle que quand j'ai joué, j'ai vraiment eu la chienne. Parce que je me rappelle, j'étais tout seul, il était minuit. J'étais en train de jouer avec des écouteurs, la musique, vraiment le jeu dans le tapis. Puis il y a vraiment des bouts où on se promène parce qu'on peut être en troisième ou en première personne dans ce jeu-là. Mais là, on voit le fantôme qui passe vite, vite, vite avec des rires, des trucs qui vont... ce qui est le fun, c'est qu'il y a une bonne combinaison justement entre les compétences que ton personnage a puis la compétence du joueur. Donc, il faut que le joueur soit quand même assez bon. Même si ton bonhomme est très baston, ben si t'es pas capable de viser avec ton gun, too bad, tu vas le rater puis tu feras pas plus mal au gars. Mm-hmm. Même chose en combat rapproché, puis quand tu te promènes, disons, en stealth, en te cachant, si tu veux pas te faire détecter, il faut que tu restes dans l'ombre. T'as beau avoir le plus de points possible, mais si t'es dans le milieu d'une place avec un gros spot, mais tout le monde va te voir pareil. Il y a une bonne combinaison de ces deux éléments-là pour pouvoir avancer. Les interactions entre les NPC dans Vampire Bloodlines sont très bons aussi, sont très intéressants. Les discussions, là, on apprend à connaître les personnages, puis vraiment là, à s'imprégner de cet univers vampirique-là. Là. Ouais, oui, mais en fait, ce qui est justement le fun, c'est plus... il y a des façons justement d'arriver à nos fins d'une façon ou d'une autre. soit en intimidant, soit en séduisant, soit juste en tapant sa gueule du gars, mais il y a une façon d'y arriver. Puis quand on vient à parler justement au NPC, ben ça vient, on vient s'impliquer assez que on commence à les trouver soit à les haïr ou à les trouver le fun. Il y a vraiment un bon background. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de discussions qui sont pas vraiment nécessaires pour la game, mais qui sont intéressantes. Absolument. C'est qu'on va avoir un background du personnage. Toi, tu viens de où? Puis il te l'explique d'où est-ce qu'il vient. Tu t'en fous, en théorie, là, pour la quest, ça donne absolument rien. T'es pas obligé de les écouter si ça te tente pas, non plus. Mais c'est ça. Mais ça donne justement de la profondeur à ce jeu-là. Puis c'est le gros avantage de ce jeu-là, finalement. Les bugs, ce qui est arrivé, finalement, il y a des patchs qui sont sortis, des patchs officiels, mais il y a même des patchs non officiels qui sont sortis sur le net. C'est-à-dire qu'étant donné que c'est un jeu culte, ben, il y a eu, on appelle ça une communauté de fans qui s'est formée autour de ce jeu-là, puis qui sont mis à développer le jeu. Puis c'est pas compliqué, hein. Vous tapez Vampire Bloodlines sur Google, vous allez tomber sur la plupart de ces sites-là, où vous allez pouvoir trouver les patchs non officiels. Puis il y a des patchs, d'ailleurs, ces patchs-là vont offrir du matériel qui avait été enlevé de la version originale, mais qui était resté quand même dans les game files du jeu. Donc, on peut avoir, justement, dans une option pour quand on fait ce personnage, l'option background. Donc, on décide de rejeter. Ça donne des avantages à notre perso, mais il y a aussi des inconvénients. Disons, brut, ben là, t'es zéro en stun, t'as des pénalités en social, mais t'es plus facile, t'intimides le monde plus facilement, puis tu tapes plus fort. Ce qu'on appelle des mérites et des flaws. C'est ça, c'est ce qu'on a transposé dans la version PC, justement, de Vampyr, parce qu'il y avait eu un autre jeu avant de Vampyr, dont le jeu, mais le nom m'échappe, mais c'était, tu commençais Broodja, puis là, t'avançais, tu commençais au Moyen-Âge, t'étais un croisé, puis là, tu finissais à l'ère moderne, puis t'avais tous les pouvoirs de tous les clans. Là, on s'est vraiment plus tenu justement à la version table. Vraiment, on s'est tenu à l'univers sur table. Donc, les gens seront pas ils vont pas être des paysagers. Puis en plus, ils vont avoir des personnages intéressants. Tous les clans sont là. Puis il y a des représentants à peu près de chaque clan aussi. On se promène partout. Il y a vraiment des missions. Il y a des missions justement d'infiltration, des missions sociales où il va falloir les convaincre des gens. Des missions de bataille. Il y a de tout pour tout le monde. Mm-hmm. C'est un jeu qui a quand même assez de challenge, je vous dirais, parce que justement, il faut avoir une bonne dextérité en tant que joueur pour les combats et ces trucs-là. Puis ça peut arriver. Ça peut être assez raide un combat. Là. Quand on va se pogner contre un ennemi qui est, comment je pourrais dire ça, qui a la pêche, là, qui va nous rentrer dedans, puis qui est vraiment une brute, là, ben on va le sentir. Ça sera pas très facile. Donc il faut s'armer de patience aussi dans ce jeu-là. Mais justement, ça, c'est ce qui fait que c'est un RPG complet. Ce que je voulais aussi dire par rapport à justement ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il y avait eu des excellentes critiques de ce jeu-là, en moyenne des 8 points sur 10, malgré la version très très très buggée. C'est pour vous donner l'idée, il y a plusieurs critiques qui avaient nommé ça un des meilleurs RPG de la décennie. C'est pas pour rien, c'est un excellent jeu. Ça date un peu, c'est sûr, ça date de 2004. Pour les graphiques, ça va dater un peu, je tiens à le dire, mais ça vaut la peine d'aller se l'acheter. Moi, je me rappelle, j'avais trouvé une version physique en CD au eBay à Place Laurier pour des peanuts. Ils vendaient ça 15$ parce que le monde, premièrement, ne connaissait pas le jeu. Pour vous donner une idée, c'est sorti en même temps qu'Half-Life 2. Half-Life 2 a vendu des millions d'exemplaires. Bloodlines a vendu 72 000 exemplaires en tout. C'est une des raisons pourquoi justement Troika Games a été obligé de fermer, parce qu'ils ont pas eu cause des problèmes qu'il y a eu. Et aussi, eux utilisent l'engin d'Half-Life 2, ce qui a écrit lors de la sortie du jeu, parce qu'eux autres voulaient le sortir plus tôt qu'Half-Life 2 pour pas se faire damer le pion. Mais là, Valve Corporation, qui développe Half-Life, ont dit non, oubliez ça, là, vous sortirez pas d'un jeu avec notre engin graphique avant nous. Ce qui a fait qu'ils ont été obligés de faire de la réécriture, justement pour l'intelligence artificielle et pour le graphique. Donc, ce qui explique les grosses lacunes et les gros bugs qu'il y a eu dans le jeu. Malgré ça, puis tu le confirmais tantôt parce que tu y ajoutes aussi, François, c'est un excellent RPG, ça vaut la peine. C'est quand même assez long, il faut prendre son temps. C'est pas. Puis c'est linéaire, mais en même temps, il y a plusieurs façons d'y arriver. Puis ça donne aussi des réactions différentes, aussi des personnages. Puis le chemin va quand même changer. Le but, je veux dire, le chemin reste quand même le même, là. C'est quand même assez linéaire, mais il y a différentes façons de parcourir le chemin, donc ça donne il y a une bonne valeur de rejouabilité. Si vous voulez faire justement un anarchiste, si vous voulez rester avec la Camarilla, si vous voulez soutenir soutenir les ambitions du prince, ben en fait, ce qui va changer surtout, c'est si tu fais des différents clans, parce que chaque vampire, chaque clan Chaque vampire fait partie d'un clan et chacun d'entre eux a des pouvoirs différents. C'est ça, il y a des pouvoirs différents. En plus, il y a des caractéristiques que vous voulez essayer à chaque fois parce que, aussi, on veut les essayer, on veut voir ce que ça fait. Puis en plus, il s'est personnalisé d'un clan à l'autre, puis il y a certains clans qui donnent d'autres choses. Puis par exemple, le clan des Malkaviens qui ont une maladie dans le sang, qui ont des maladies mentales. Bon, ben, leur parlogue est différent dans le jeu. Et puis, ils parlent en énigme, le personnage qu'on choisit de faire le Malkavien. On parle en énigme, donc la plupart des gens vont pas comprendre. Puis, les autres vampires, dès qu'ils te voient y arriver, ils t'aiment pas. La plupart des vampires aimaient pas les Malkaviens ou avaient peur des Malkaviens parce qu'ils savaient jamais comment qu'ils allaient réagir. Mais on le voit ça dans le jeu aussi. Puis, je pense que quand tu joues à un Nosferatu, je veux dire, t'es tellement laid que tu peux pas interagir, je pense, avec les humains. Tu peux pas te promener sur la surface. Il y a le réseau d'égouts de la ville, faut que tu te promènes dans les égouts. Tu utilises des pouvoirs de simulation magique. Ouais, c'est ça, qui est Offuscate dans le cas des. Ce qui s'appelle Offuscate dans le cas des Nosferatu. Mais il y a ça qu'il faut jouer avec ça aussi. Fait que ça change pas mal le jeu quand même. Oh, oui, il faut dire aussi que c'est un jeu pour adultes. C'est pas. Moi, je le reconseille pas à des ados non plus. C'est vraiment pour adultes parce que c'est très violent. C'est très explicite, autant pour la violence que sexuellement, parce qu'on est vraiment dans les bas-fonds de la ville, ce qui va avoir justement une interaction avec des prostituées, avec des pimps, avec vraiment le monde criminel, puis c'est très trash comme jeu, mais le storyline va bien avec ça, c'est un contexte qui est bien utilisé, puis vous allez voir, même dès le début, vous allez voir de quoi on parle, là. On ne gêne pas pour montrer du sang, les personnages, les créatures. Il y a même une quest là, par rapport à ça là, qui est assez gore, justement, là, où il y a des genres de vampires qui est d'un clan faisant partie du Sabbat, qui est un autre organisateur de vampires, mais vraiment eux autres un peu sataniques. Ben, lui, il dirige un genre de truc où les gens vont filmer des monstres en train de dévorer des humains, puis on le voit, puis c'est ça, vous allez voir, c'est pour adultes, mais on rentre, il faut dire que le jeu Vampire à la base, que ce soit sur table ou sur PC, pour cette version-là, l'univers de Vampire, c'est un univers d'abord d'horreur. Mm-hmm. On le vend comme étant un jeu de rôle d'horreur et non d'action. Ah ouais. C'est fidèle au jeu de rôle. Oh oui, tout à fait. C'est tout à fait fidèle à l'univers. Donc, pour les amateurs du jeu de rôle de Vampire, c'est un achat obligatoire. Je vous le dis, allez vous acheter ça. Et pour ceux qui veulent le découvrir, c'est une belle façon de le découvrir, justement, parce que c'est fidèle, parce que c'est bon, le scénario est solide, et en plus, c'est un bon jeu d'action pour les gens qui sont intéressés par l'action, implanté, justement, dans un monde fantastique. Et voilà, donc Vampire de Bloodlines par Michael Michaud. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce jeu-là. Ça fait plaisir. Donc, on vous suggère, c'est téléchargeable comme ça sur Steam et ça coûte pas cher, là, environ 20$. Sinon, ben, on va aller écouter une pièce de musique. On va écouter justement quelque chose d'un peu curieux. Le groupe s'appelle Comme un homme libre et la pièce, c'est L'amour entre animaux. Vous êtes à puissance maximale. est Benoît Cécile, animateur en dessin animé. Vous écoutez Puissance Maximale. Et en fin de semaine avait lieu le Geek Fest à Montréal. Je pense que c'est la deuxième édition de cet événement-là. On a justement Gabriel Tremblay-Gaudette pour venir nous en parler. Salut Gabriel. Salut, ça va bien? Donc, tu me corriges, c'était la deuxième édition ou la première? C'était bel et bien la deuxième édition. J'ai parlé avec l'organisatrice qui m'a dit que l'an passé, le Geek Fest avait lieu dans un endroit dont la superficie était peut-être de moitié celle qu'elle occupait en fin de semaine. Donc, on voit que l'événement est quand même en progression. Ça a marché beaucoup. Et là, donc, peux-tu me décrire un peu c'est quoi exactement le Geek Fest? Ben, en fait, le Geek Fest, c'est un événement qui est assez rassembleur, donc il veut célébrer la geekitude sous toutes ses formes. Donc, ça va autant s'adresser aux fans de bande dessinée, de jeux vidéo, d'anime japonais, de jeux de rôle, de fans de cosplay, de films d'horreur. Donc, vraiment, ça touche la culture geek de manière très, très large. C'est clair. Ça me fait un peu penser à la convention Draconis. Là. D'ailleurs, je pense que ça doit probablement encore fonctionner, mais c'est pas le seul événement du genre à Montréal. Et ça a été quoi les points saillants là, pour toi au Geek Fest en fin de semaine? Ben évidemment, moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est les trucs auxquels que je comprends un peu. En fait, il y avait un tournoi de cartes Magic quand je suis arrivé. Moi, j'ai jamais compris comment ça marchait, ce jeu-là. Mais les gens étaient vraiment intenses. Il y avait comme leur iPod, puis ils pouvaient être bien concentrés. Il y avait des arbitres qui venaient partager des points de détail techniques pour des matchs très intenses. Donc ça, évidemment, je les ai regardés là un peu, puis j'étais aussi fasciné que quand je regarde un match de cricket à la TV dont je connais pas les règles. Sauf que dans le cricket, il y a plus d'action. ça, c'est chiant, ça. Ben, c'est quand même des gens qui tournent des cartes, là. Oui, oui. Bon, il y avait pas mal de gens qui faisaient du cosplay aussi. Ça, c'est la pratique là, qui consiste à se costumer comme les personnages préférés de nos séries. Oui, là, fais attention à ce que tu vas dire, là, parce que Michael, c'est un grand spécialiste des cosplays. Ben écoute, moi, c'est impressionnant, notamment parce qu'il y a des costumes qui sont vraiment, vraiment très travaillés. Mais en même temps, ça peut être un peu étrange aussi, là, quand tu vois des gens débarquer, des gens qui ont le double de ton âge débarquer comme des personnages d'une série d'animé japonais que tu sais que c'est fait pour les enfants. C'est quand même bon, en tout cas. C'est lequel personnage qui t'a attiré le plus ton regard? C'était lesquels personnages qui étaient les mieux réussis? Ben, il y en avait qui étaient aux couleurs des membres de la Umbrella Corporation de Resident Evil. Il y avait des espèces de gros guns. Heureusement qu'ils étaient pas... J'espère qu'ils sont pas venus en métro parce qu'ils ont dû être dans le... Ça avait quand même l'air assez réaliste. Ouais, l'équipe de l'Umbrella Corporation, puis les Stars aussi, c'est une gang qui font le tour des conventions aussi. Ça fait qu'on les voit pas mal souvent, c'est ceux-là. Ah, mais ça, c'était quand même assez impressionnant. Moi, ce que j'ai quand même pas mal aimé, c'était les compétitions de jeux vidéo. Je suis arrivé à temps pour regarder la finale du tournoi de Marvel vs. Capcom 3. Moi je suis pourri dans les jeux de combat de Brawl. Comme ça, je suis un button masher depuis que j'ai à peu près 18 ans. Et là, il y en avait un qui était là avec sa manette custom qui reproduisait un peu les contrôles d'arcade, qui était vraiment, vraiment fort. D'ailleurs, j'ai joué avec lui un match pour lui poser des questions. En fait, j'ai appris que il se considère un peu comme un gamer professionnel. Il participe régulièrement à des compétitions Street Fighter. Évidemment, les prix en argent sont pas assez grands pour, disons, qu'il puisse se payer les voyages qu'il fait pour ça, mais quand il en gagne, ça amortit les frais, donc c'est quand même une manière intéressante de voyager et d'aller rencontrer des gens qui en ont en commun avec nous. Moi, ce qui m'a vraiment découragé, par exemple, c'est que juste avant que je joue contre lui, il jouait contre un petit gars de 8 ans qui laissait un peu gagner. Puis je me suis rendu compte en jouant avec lui qu'il faisait la même chose avec moi. Donc, je suis exactement aussi bon qu'un petit gars du temps. Il y avait aussi un truc qui était intéressant, c'était le Fou Lab. C'est une initiative qui a commencé à Saint-Henri, à Montréal. C'est des geeks de technologie qui font des trucs qui sont un peu à mi-chemin entre la robotique et l'art. Et là, il y avait toutes sortes d'installations un peu interactives avec lesquelles on pouvait donc interagir. Moi, il y en avait une qui était assez drôle. En fait, c'est une espèce de vieille machine à écrire qui permettait d'envoyer des tweets. Donc, on tapait à la machine à écrire et s'envoyait en direct sur Twitter. Donc, on a comme configuré le clavier de la machine à écrire pour le relier à un ordinateur. Donc, la production des foulards avait l'air assez intéressante, mais il était, c'est ça, j'aurais parlé, mais il était pas exactement très sociable. Ça, c'est vraiment, je reste poli, là. Mais j'avais un beau badge média, tu sais, que j'ai mis en valeur pour leur dire, écoutez, moi, je vais parler de vous à radio, ça vous tente pas de m'expliquer, puis ils l'ont fait quasiment, là, tu sais, en rechignant, là. le Fool Lab, ça a l'air intéressant, mais si les gens veulent voir des photos, là, j'ai vu justement la fameuse machine, le Twiletype sur geekbecois.com. Allez voir ça, ça vaut la peine. C'est vraiment une grosse imprimante des années 30, on dirait. Puis là, on envoie des tweets, puis ça imprime les tweets. Ouais, ben j'ai trouvé que c'était quand même une bonne utilisation de la technologie. J'ai un point saillant, par exemple, de tout le GeekFest, c'est qu'il y avait des expositions un peu de rétro gaming ou des vieilles consoles. Il y avait toutes sortes de vieilles consoles de jeux vidéo avec des jeux donc qu'on pouvait essayer. C'est intéressant d'ailleurs, j'imagine, pour des plus jeunes visiteurs qui connaissent, ont déjà entendu parler évidemment de ces consoles-là, mais on jamais vraiment pu jouer puis comprendre à quel point on se contentait peu à l'époque sans savoir ce qui allait nous attendre. Et il y avait un de ces un des jeux qui était proposé pour les utilisateurs et le jeu Total Recall qui avait été fait en l'honneur du film avec Arnold Schwarzenegger pour la Nintendo. Et je me dis, ah mon Dieu, tu sais, ce jeu-là, me semble, j'ai jamais joué. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à l'essayer. C'est le pire fucking jeu. Ah oui? Total Recall, c'est vraiment mauvais? C'est infaisable, OK? Tu contrôles Arnold Schwarzenegger, tu sautes, mais t'as à peu près autant de lift qu'un joueur de basketball de 300 livres. La seule chose que tu peux faire, c'est donner des coups de poing. Là, tu te promènes dans le tableau, tu te fais comme attraper par une espèce de nain, tu sais même pas qu'est-ce qu'il fait là, tu te ramasses dans un égout où là, le nain te saute dessus, puis il est agile comme un ninja, et toi, je te rappelle, t'es comme un pachyderme. T'essaies de te battre en lui donnant des coups de poing. Quand tu finis par faire ça, tu réapparais dans le tableau, puis tu te fais immédiatement tirer dessus. Si tu le sais pas la première fois, tu te prends des balles, après ça, faut que tu te penches tout de suite. T'as aucune contexte narratif. Le timing est infaisable. Le plus loin que je me suis rendu, c'est un moment où il y avait un gars qui tirait avec sa mitraillette tellement vite que je pouvais pas éviter les balles. Ok, un jeu de mauvais goût. Est-ce qu'il était présenté tel quel ou c'était présenté comme un jeu normal? Ben, en fait, c'est comme il y avait pas vraiment de personne qui était autour du stand qui pouvait comme expliquer aux gens. C'était vraiment, on s'assoit, on joue. Mmh. Celui-là, je pense que c'était comme quelqu'un de cruel qui voulait faire pleurer les enfants qui l'avaient mis là. Ça serait un beau cas pour Angry Video Game Nerd. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai jamais joué à un jeu vidéo aussi dur. Mais c'est ça qui est le fun dans beaucoup d'événements comme, entre autres, le GeekFest, puis les conventions d'animé, puis les conventions, justement, de jeux vidéo. Mais il y a de plus en plus des belles salles de jeux comme ça où il va y avoir, justement, du rétro gaming. À G-Anime, cette année, on est allé, là, il y avait vraiment du beau stock, là. Ça fait que ça, c'est une belle place pour découvrir, entre autres, aussi au GeekFest, là, découvrir du beau jeu, puis du vieux jeu, surtout. Ben, en fait, ça permet de se rappeler à quel point ces jeux-là, je pense que les équipes de développeurs étaient moins grosses, il y avait moins de bêta-testeurs, sûrement. Fait qu'ils mettaient en marché des jeux qui étaient infaisables. Mais vraiment, là, tu sais, qu'il y a des bugs profonds dans le jeu, puis c'est impossible de passer. Je peux pas imaginer que même le plus féru des gamers peut passer au travers de Total Recall. Puis déjà qu'à l'époque, c'était pas, il y avait pas tant d'adultes que ça qui devaient jouer au jeu. Fait que c'est les petits jeunes qui achetaient le jeu, puis qui faisaient bon, ben, je peux pas jouer. Hey, je fais juste repenser, là, puis vous m'entendez, là, je suis pompé. Et en tout cas, c'est vraiment terrible. Empoisonner à un de vos amis, là, vous y achetez, vous donnez les Total Recall, ça doit pouvoir se trouver en émulateur. Là. Je me souviens, j'avais regardé à un moment donné un top 10 des jeux vidéo les plus durs de tous les temps, puis si je me souviens bien, il était là parce que ça n'a aucun sens. Donc, Total Recall, dans le fond, jouer en Arnold Schwarzenegger en donnant des coups de poing. C'était sur quelle console? Ben, juste par simple curiosité. C'était pour un jeu de NES, Nintendo Entertainment System. OK. Et j'imagine qu'il devait y avoir des plus vieilles consoles. Est-ce que c'était possible, par exemple, de jouer à une des premières consoles? Je pense qu'on parle du Megabox Odyssey avec des espèces de manettes absolument épouvantables qu'il faut tenir avec trois mains. Non, la plus vieille console qu'il y avait, c'était les NES 8-bit. OK. Ah, ben, c'était pas si c'était pas le point fort peut-être du festival, du GeekFest, là. Non, ben c'était quand même. Moi j'ai quand même trouvé que c'était bien. Moi en fait, c'est ça ce qui m'a vraiment impressionné le plus, je vous dirais. Ben à part, je veux dire, l'inventivité obsessionnelle des gens de cosplay, c'était les compétitions de jeux vidéo. Ben il faut dire, c'est ça, moi c'est un style de jeu auquel je suis tellement pas bon, les jeux de combat, que là, tu sais, j'ai regardé aller puis c'est comme c'est vraiment des démons, là. C'est ça, puis tu te rends compte qu'il y a des gens qui, ça fait 20 ans qu'ils jouent à non-stop à Street Fighter, fait que c'est toujours un peu troublant. Ouais, ben oui, c'est une drôle de passion. Parce que, je veux dire, tu peux pratiquer le même sport toute ta vie, mais même si c'est les mêmes règles, ça sera pas aussi répétitif que tout le temps planter Ryu avec Honda. Donc, chacun ses passions. Hein. Donc, Gabriel Tremblay-Gaudet, ses impressions à propos du GeekFest, un mot de la fin? Moi, parce que j'ai trouvé que c'est un événement qui était quand même chouette. peut-être pas beaucoup ouvert sur le public non geek, c'est-à-dire que je me suis dit, si quelqu'un se pointe là-bas pour découvrir l'univers des geeks, ça risque de plutôt renforcer ses préjugés. Des cas de geeks, disons, les plus extrêmes, que lui montrer à quel point il y a des choses de positives là-dedans. Mais en même temps, donc, c'est ça, si c'est par les geeks et pour les geeks, ça va très bien aussi, fait que c'était le fun pour ça. Super, donc une belle expérience comme ça au Geek Fest, peut-être l'année prochaine une troisième édition. Donc on surveille ça avec attention. Je te remercie, Gabriel. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin d'émission. Bonne fin d'émission. Et donc on va aller écouter une pièce musicale. Donc le Geek Fest, c'est ça, deuxième édition. Quand on parle de geek, là, faut le dire, c'est des gamers. Donc c'est des questions. Donc les gros joueurs, les joueurs qu'on pourrait dire hardcore, les grognards. On va écouter une pièce des trois accords. La pièce s'intitule « Pas capable d'arrêter ». Vous êtes à puissance maximale. Pas capable d'arrêter. Konnichiwa. Nihon dewa Naruto dake janakute minna san minna de igo o shite iru. Soshite na Quebec ni mo igo o shite kudasai. Ima kara puissance maximale kite kudasai. Hey, vous êtes toujours à puissance maximale. On est maintenant rendu dans la section actualité. Toujours une petite section consacrée à ça dans cette émission-là. Parce que ça en passe des choses dans l'univers du jeu. Oh oui! Et puis c'est important. Silicon Sisters, des jeux pour les femmes, faites par des femmes. Demain va avoir lieu la Journée internationale des femmes. Alors, je trouvais que c'était une bonne façon de commencer le bloc. Alors, c'est deux femmes, Brenda Bailey Gershkovitch et Kirsten Forbes, qui ont parti d'une compagnie à Vancouver qui s'appelle Silicon Sisters. donc les Sœurs de Silicon. C'est une compagnie de jeux qui est dédiée à créer des femmes faites par des femmes pour les femmes. J'imagine qu'on fait ici référence à Silicon Valley et non à l'utilisation de Silicon pour les femmes. j'imagine qu'il doit avoir un lien avec Silicon Valley, on espère. Un clin d'œil vers Silicon Valley, on espère. Et bientôt, ils vont sortir leur premier jeu qui s'intitule School 26. Et c'est un jeu de rôle casual qui met les joueurs dans la peau d'un étudiante d'un collège qui doit aider ses amis à résoudre des problèmes personnels. Donc, tiens donc. C'est ça l'intrigue du jeu. OK. Et je vais citer Madame Gershkovitch. Alors, on se concentre pas à fabriquer des jeux pour des femmes qui savent qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que là, autrement dit, à parler des femmes, par exemple, qui jouent à des jeux comme Call of Duty. Donc, c'est pas fait pour ces gens-là. Des femmes qui jouent déjà à des jeux là, qui sont sur le marché. Elle ajoute, on fabrique des jeux pour le reste, pour les autres filles. Les filles qui n'ont pas encore percé dans l'univers du gaming traditionnel. Donc, un autre marché, dans le fond. Ils veulent explorer un autre marché. Et le duo c'est le Toronto Star Report qui se sont mis à parler d'eux. Il y aurait 40% des joueurs aux États-Unis et au Canada qui seraient des femmes. Alors, le jeu School 26 va sortir ce printemps sur les devices iOS, donc sur le système d'opération des engins iPod. OK. C'est que ça va être un jeu qui va arriver sur iPod, sur téléphone ou peu importe les consoles portables, mais exactement. Pour les téléphones, c'est ça. C'est ça, c'est pour les petits trucs portables. Et Madame Forbes ajoute, les femmes sont les... Je traduis ça curieusement, là, mais c'est ça qu'elle dit. Les femmes font partie des démographies les plus tenaces. On a joué à des jeux depuis des années et des années, malgré le fait que ces jeux n'étaient pas faits pour nous. Alors, on doit vivre avec ça. Elle est en train de dire finalement que les filles sont peut-être dures. Ils sont tenaces. Fait que malgré le fait que ça soit pas fait pour eux, ils vont s'arranger pour jouer pareil. C'est ça, exactement. Donc voilà, Silicon Sisters à Vancouver, une compagnie pas mal intéressante. Et c'était tiré du site, la source était Game Politics. C'est quand même intéressant d'entendre une nouvelle comme ça, c'est de voir justement, c'est que ça va sortir, on va sortir justement du gaming traditionnel là, qui est fait majoritairement pour les jeunes garçons ou les hommes, puis voir arriver des jeux, justement des jeux casual, des jeux qui vont peut-être nous amener ailleurs. Ça va offrir une diversité, puis pour les autres, ça peut amener d'autres personnes justement à jouer. Mm-hmm. Ben tant mieux. Peut-être qu'on n'y jouera pas, ou peut-être qu'on va l'essayer puis qu'on n'y rejouera plus. Moi j'aimerais ça essayer. C'est juste pour voir. C'est ça, juste pour voir quel genre de jeu ça peut donner, parce qu'on est quand même dans un univers qu'on connaît maintenant dans le jeu vidéo, puis tomber dans quelque chose d'aussi différent. Ouais, c'est ça. Ça peut peut-être donner quelque chose de complètement différent. On parle d'un jeu complètement fait juste par des femmes, de A à Z. Quand même intéressant. Sinon, Game Developer Choice, donc c'est comme les jutras pour les jeux vidéo. Donc, ça s'est passé au Game Developers Association qui avait lieu en fin de semaine. Non, c'est un peu le Game Developer Conference qui avait lieu cette semaine. Alors, ça, il y a eu un concours pour les meilleurs jeux. Alors, les grands vainqueurs sont... Il y a Red Dead Redemption qui a gagné la plus grande partie des prix. Alors, ça s'est passé lors du Game Developer Conference qui avait lieu à San Francisco, qui regroupe 15 000 membres de l'industrie des jeux vidéo. Et donc, dans les catégories meilleur jeu, Red Dead Redemption, conception de jeu, Red Dead Redemption, technologie, Red Dead Redemption, art visuel, il y avait God of War 3, Call of Duty Black Ops, c'est le jeu Limbo qui a gagné, écriture, ça doit être le scénario, Mass Effect 2, audio, Red Dead Redemption, meilleur début, Minecraft, Ah, Minecraft. Ouais, ben c'est un petit jeu. En tout cas, c'est en version bêta présentement sur le net. On peut acheter la version bêta pour 20$. Ce qui fait que quand la version va, la version finale, on va y avoir accès pour 20$. Ils vont peut-être se vendre plus cher. Andrew Castegan, qui est aussi un de nos collaborateurs, va sûrement venir nous en parler dans une autre émission. Je vendrai pas son punch. C'est un petit jeu vraiment intéressant. Donc Minecraft qui a gagné quand même le meilleur début. Meilleure innovation aussi, Minecraft. Meilleur jeu portable, Cut the Rope. Bon. Et meilleur jeu téléchargeable, Minecraft, encore une fois. Donc, un jeu qui revient souvent, ça va être intéressant d'en parler. Puis on est seulement au bêta, là. C'est même pas la version finale qui est disponible pour le moment. Donc, très prometteur. Sinon, THQ organise une fausse manifestation pour promouvoir Homefront au GDC. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, le GDC qui avait lieu cette semaine, encore toujours à San Francisco. Donc, Game Developer Conference. Donc, THQ, bon, c'est une grande compagnie de jeux vidéo bien connue. Ils vont faire une sorte d'événement promotionnel assez curieux, assez spécial, disons assez fou, pour leur jeu Homefront. Donc, ils ont engagé des acteurs pour simuler une protestation anti-Nord-Corée. Et la marche va avoir lieu à travers les rues de San Francisco pour arrêter au Game Developer Conference. En fait, la marche a eu lieu là, au moment où on parle. Et donc, ça peut sembler bizarre d'utiliser la violation des droits humains en Corée du Nord pour promouvoir un jeu vidéo, on s'entend. Toujours est-il que c'est vraiment ce que THQ fait. Comme on dit dans le métier, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Parlez-en. Et l'événement va mettre en action donc des acteurs qui vont faire de fausses manifestations. Il va y avoir des conférences, des speeches des vrais experts. Il va y avoir des performances musicales. Et il a eu le lancement de 10 000 ballons. Des ballons qui disent « Nous avons été envahis ». OK. Mais c'est quoi ce jeu-là? Est-ce que tu connais Homefront? Non, je ne connais pas ce jeu-là. Ça doit être un jeu qui doit se passer en Corée du Nord. Toujours est-il que j'ai vu le résultat de cette marche-là et il y a eu des tonnes de protestations parce que les 10 000 ballons qu'ils ont lancés se sont retrouvés dans la mer. Ben oui, mais alors, le lancer du ballon dans les airs à l'air environnementaliste où on est, là, on aurait pu s'abstenir effectivement. C'était pas nécessaire. Avec le web et tout, on a la possibilité de faire de la publicité propre maintenant. Pourquoi faire un coup comme ça? Tu viens de rater un peu ta chute. T'achètes en faisant ça. Effectivement. Bon, mais c'est quand même intéressant de voir un peu l'imagination que les développeurs de jeux vidéo. On a déjà parlé d'une news c'est un jeu, un first-person shooter. Et la promotion, c'était de donner du gaz gratuit. Et dans le jeu vidéo, ça se passait au Venezuela. Et l'argent, c'est une sorte de monnaie d'échange dans le jeu. Donc, des espèces d'acteurs qui étaient vêtus comme les personnages du jeu vidéo donnaient du gaz. C'était quand même spécial. C'est quand même intéressant comme promotion. C'est de sortir finalement le jeu dans la réalité. Ben oui, c'est d'essayer de toucher les jeunes tous les jours. T'sais, comme on disait tantôt, l'industrie recherche à développer ses marchés. Ben, c'est une façon de le faire. C'est de mettre le jeu vidéo dans le monde réel puis de le mettre d'en face des consommateurs pour leur dire, regardez, nouveau produit, on est même prêt à vous le faire vivre live pour que vous ayez l'acheter. Bon, ça a plus d'impact aussi qu'une simple publicité à la télé, mettons. Oui, parce que les publicités de jeux vidéo maintenant à la télé, il n'y en a plus beaucoup. Hein? Exactement. Et sinon, peut-être un dernier 2 minutes pour vous rappeler que Sequoia est en situation urgente, en situation de crise. Sequoia va probablement devoir déménager ou fermer d'ici fin mai. Alors, vous pouvez quand même appuyer la station encore une fois. Vous pouvez appuyer cette station qui est quand même dans le paysage depuis plus de 25 ans, qui héberge la 150 voix alternatives, 150 bénévoles, plus de 150 bénévoles qui viennent participer à chaque semaine faire leurs émissions comme la nôtre. Et vous pouvez acheter une carte de membre, devenir membre de la station pour montrer votre appui. Et ça vous donne accès à toutes sortes de rabais dans toutes sortes de commerces locaux, dans les bars comme le Bal du Lézard, la Barberie, l'Abraham Martin, le Fou Bar, le Café Babylone. Et vous pouvez acheter de 3 façons par Internet au sequoiafm.org. Vous pouvez passer en personne et pourquoi pas visiter la station pendant que c'est encore ouvert au 600 Côte d'Abraham. Ou vous pouvez appeler sur les heures de bureau au 529-9026. Alors on vous rappelle une dernière fois l'urgence de la station, l'urgence de la situation. Et sinon, ben, on va écouter une dernière pièce, et après ça, on va conclure l'émission. On va écouter une pièce des Cowboys Fringants. La pièce s'intitule « Rentre à pied ». C'est une chanson à boire. Quand on est déprimé, il faut boire. Pour aujourd'hui, très bonne chanson. « Rentrer à pied ». Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Par cause, évidemment, de la tempête. En ce moment, il fait pas très beau ici. Alors, vous êtes à puissance maximale. Et voilà, c'est tout pour l'émission Puissance Maximale. On vous remercie d'avoir été là. Alors, je remercie Michael Michaud. Merci à toi, François. Et puis, on remercie aussi Gabriel Tremblay-Gaudette du Laboratoire NT2 qui est venu nous parler du Geek Fest. Sinon, ben, c'est François Jacouillard qui vous dit merci d'avoir été là. À la semaine prochaine pour plus d'actualités, plus de jeux, plus de plaisir, plus de fun. N'oubliez pas, visitez le www.puissancemaximale.com. Et sinon, ben, passez une bonne semaine de jeu. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not.